Bilan, page 44. Bonsoir. Aujourd'hui, dans notre émission Les gens qui n'ont pas de chance, j'ai invité Louise. Alors Louise, vous avez 92 ans et vous avez été mariée combien de fois ? J'ai été mariée 5 fois. Pour votre premier mariage, vous aviez 17 ans, je crois. Et mon mari avait 20 ans. Nous avons eu 3 enfants, mais quand j'avais 23 ans, il est mort dans l'incendie de notre maison pendant qu'il essayait d'éteindre le feu. Et votre deuxième mari, Louise ? Il s'appelait Louis. Nous formions un couple parfait. Enfin, presque, car il buvait beaucoup. Il est mort à cause de l'alcool. Un soir, en sortant du bar, il a été écrasé par une voiture. Depuis qu'il est mort, je ne passe plus dans cette rue. Votre troisième mari était italien, n'est-ce pas ? Oui. Giovanni était un homme joyeux, agréable, mais malhonnête. Il a été tué par la police pendant le cambriolage d'une banque. Et après, vous avez rencontré Joseph. Ah oui, il était plus âgé que moi et riche. Grâce à lui, j'ai beaucoup voyagé. Mais un jour, nous avons visité la Tour Eiffel et il est tombé. Nous arrivons à votre dernier mari, Émile. J'ai connu Émile à la maison de retraite où j'habite. À notre mariage, nous nous sommes bien amusés. Peut-être trop. Il est mort 2 jours plus tard. Ça fait 5 mois qu'il n'est plus là. Alors, Louise, les mariages, c'est terminé ? Pas du tout. Je vais me marier dans 2 semaines avec le frère d'Émile. Il est charmant.